Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu es su de ces bris qui courent dans les roseaux. Que moment de chemin que filtre l'été des ailés du moulin. Les clochers de midi soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire tes ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans ces deux mains tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition a des lois, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saura quand même faire des rondes dans l'eau. Il y a tout cet moins que tu veux dans son dos. Dis-toi qu'il pourrait bien devant tes rondes dans l'eau te prendre pour l'idiot de ton village qui lui est resté là pour faire des rondes dans l'eau, pour faire des rondes dans l'eau.